comprendáis bien lo que estáis haciendo. Ça, c'est le côté essentiel. Esto es un deuxième aspect qui est important, même si ça vient de moi, c'est de pouvoir communiquer avec, par exemple, le correspondant. Y el segundo aspecto es que podáis comunicaros entre vosotros para que podáis comunicaros entre vosotros y con otros compañeros. Para que podáis comunicar bien es necesario que hayáis entendido bien qué es lo que hacéis. Parce que je vous propose, c'est qu'on peut travailler en deux temps. Lo que os va a proponer es trabajar en dos tiempos. Dans un premier temps, répondre à vos interrogations. En un primer tiempo, responder a vuestras preguntas. Après, basculer sur un PowerPoint pour reprendre les points qui vont sembler les plus importants. Y después seguir un PowerPoint retomando los puntos esenciales. D'accord? Alors, moi, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous laisser 5 minutes. Os va a dejar 5 minutos. Pour que vous écriviez ce qui est compliqué pour vous d'un point de vue théorique. Para que escribáis lo que es complicado para vosotros desde un punto de vista teórico. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de que je me mette à votre disposition pour répondre à vos questions. Entonces, se pone a vuestra disposición para responder. Aprovechar. Mais bon, certains ont besoin de réfléchir un petit peu là, à leur difficulté. Donc, on vous laisse 5 minutes, vous notez, et après, on essaye de répondre aux questions et de les ordonner. D'accord? Tomar esos 5 minutos para reflexionar y pensar lo que, bueno, lo que para vosotros es más complicado, más difícil, y él responderá después a todo esto. Donc, alors, les questions, ce n'est pas les questions tous azimuts, c'est des questions en rapport avec le cours, et essentiellement avec le capteur et la biomécanique caudale par rapport à la posture. Recordar, no son preguntas en relación con casos clínicos, son preguntas en relación con lo que hemos visto en clase con relación con el factor caudal. Okay. Y las semanas de postura. Y las plantillas de postura. Si vous avez des questions, vous avez vu hier la thérapie manuelle. S'il y a quelques questions, on peut les intégrer à l'intérieur. Si hay alguna otra pregunta, la puede integrar, pero no preguntar sobre cosas, digamos, que se van a hacer tantos fechas. Allez, donc, 5 minutes. 5 minutitos. Pour voir ce qui vous pose pas. Si estáis reflexionando, no habléis. O sea, no hay, ¿vale? Pensar y escribir, aprovechar, porque si después tenéis un examen teórico, y otro práctico, pensar en qué es lo que a vosotros os valga o os puede ayudar. ¿Vale? Thank you. Donc n'hésitez pas à le dire hein, s'il y a des choses qui sont bien. Lo que está claro es que tiene que quedar claro, ¿vale? Entre la parte, la síntesis teórica que vamos a hacer esta mañana y la síntesis práctica que vamos a hacer esta tarde. Donc, bien sûr, il y a le côté bon, petite épreuve de passage à la fin de l'année. Después del curso habrá una pequeña prueba de fin de año. L'objectif surtout, c'est que vous compreniez ce que vous faites. Quoi. Pero el objetivo principal es que entendáis lo que estáis haciendo o lo que tenéis que hacer. Entonces, ¿qué es que has comprendido o que merece ser precisado? ¿Qué creéis que se precise? No habléis todos porque ahora no puedo responder a todo esto, sobre todo. Yo tengo una pregunta. A ver, en el pie va lo orgánico. La banda interna, cuando yo testo, que me da 6 milímetros, por ejemplo. ¿Vale? No, el test debe ser de 6 milímetros. 6 milímetros, por ejemplo. ¿Y testo cómo? ¿Cómo testas? Colocando la milímetros y viendo el test de flexor. Pero tengo la duda porque cómo se asocia la barra anterior y el EMI y la banda interna, sí. Tengo la duda de cómo, si esa sustituye a los demás elementos, si en cada uno me pide una cosa, es que ahí tengo duda. Claro, que no sé cuándo cómo colocar, o sea, el tratamiento, no sé cómo lo tengo que colocar en la plantilla. ¿Qué es que tú haces exactamente? Parce qu'il y a l'air d'avoir deux questions dans ce que tu dis là. Ah, mais cuando yo hago los pies, bueno, veo que el pie no recupera el arco, es valgo de retropié, el medio pie también, colocaríamos esa banda interna y voy testando los milímetros con la banda interna. Él dice que el cuerpo que se organiza, entonces, ¿cómo él mete los milímetros? ¿Él mete la barra? ¿Él comienza a meter los milímetros? No sé. O voy colocando las piezas que me dé, por ejemplo. Première étape, déterminer qu'on a un pied valgus organique. Una primera etapa, determinar que tenemos un pie valgo orgánico. Donc, comment on fait? Stabilité monopodale. Estabilidad monopodale. Le pied valgus, vous l'avez objectivé avant. El pie valgo ya lo habéis objetivado antes. Donc, est-ce qu'il y a une correction? Hay una corrección du valgus quand on est en monopodale. Donc là, s'il y a une correction, on va dire totale, on va dire qu'on est sur un pied valgus fonctionnel. Si en apoyo monopodal hay una corrección total, estamos delante de un valgo funcional. Parce que quand le pied fonctionne, le valgus se normalise, il n'y a plus de valgus. Como el pie funciona, no hay más valgus, se normaliza. Okay. Donc, à partir du moment où tu as déterminé qu'il y avait un pied valgus organique, desde el momento que determinas que hay un pie valgo orgánico, le plus simple, lo más sencillo, c'est de dire je mets une bande interne. Lo más sencillo es decir, voy a poner una banda interna. Okay. Donc après, la deuxième question, c'est quelle est l'épaisseur de la bande interne? La segunda cuestión es ¿cuál es el espesor de la banda interna? Donc là, vous avez un test tonique spécifique. Entonces tienes un test tónico específico que lié a toute la musculature de l'arche plantaire. Que está relacionada con toda la musculatura del arco interno, del arco plantar. Donc, avec ce test d'élévation, je teste quoi? Ben, le tonus des muscles internes du pied. Con el test de la luz, testo el test de la musculatura interna. Exactement comme si on faisait un lacet, ou si on faisait une manœuvre de convergence podale. Es como si hicieras un lacet o una maniobra de convergencia podal. Donc, à partir de ce moment-là, logiquement, tu vas voir que tu vas gagner en mettant un millimètre de plus, peut-être. A partir de ce momento, tu vas ver que poniendo un millimètre más, quizá vas a ganar. Donc, je prends un exemple, je commence, j'ai une bande interne de 2 mm. Voy a poner un ejemplo, tengo una banda interna de 2 milímetros. Je fais la flexion dorsale. Hago la flexión dorsal. On va dire que je suis à 20 degrés. Vamos a decir que estoy a 20 grados. Je mets 1 mm en plus. Meto 1 milímetro de más. Je passe à 30, 25, 30 degrés. Yo voy a 30, 25 grados. Je remets 1 mm de plus, je passe à 35 degrés. Meto más, 35 grados. Et je remets 1 mm de plus, je reste à 35 degrés, voire. Entonces, si pongo otro más, me quedo 35 grados, incluso menos. Donc, ça veut dire que la hauteur optimale par rapport au test, c'est 4 mm. Entonces, quiere decir que la altura óptima del test son 4 mm. Est-ce que ça, dans le process, c'est clair pour toi? ¿El proceso está claro? Sí, el tema está en colocar, que a mí me parecía muy bestia, pero a ver, tema postural, ¿no? Colocar esa banda interna un milímetro, otro en todo el pie. Entonces tenía la duda, por eso no he hecho el tratamiento, porque como no lo tenía claro, lo tengo aparcado. ¿Ya sí? Ya coloco solamente esa banda interna. No tengo, o sea, la duda era si tenía que colocar la barra anterior, el EMI, tal. Solamente con eso. Porque él dice que tú la vas a salir más lento. La bande. Alors elle pensait si je dois mettre la barre, l'aiguille. La bande, elle est constituée de la bande postéro-interne, de l'EMI et de la barre antérieure. La bande está compuesta de todos esos elementos. Et d'un point de vue, alors on pourrait dire on met les trois. Podríamos decir que al poner la banda pones los tres. Mais c'est plus pratique de dessiner qu'une seule stimulation. Es más práctico dibujar una sola estimulación. On va dire que c'est une stimulation globale. Es una estimulación global. Alors, maintenant, elle présente un intérêt au niveau de mécanique. presenta un interés biomecánico. Parce que en fait, ce qu'on va s'apercevoir chez la majorité des patients, lo que vamos a ver en la mayoría de pacientes, c'est qu'ils sont en avant. Es que están hacia adelante. Et si je m'antériorise, si yo me anteriorizo, je prône. Voy a pronar. Mais si je prône, je m'antériorise. Si yo prono, me voy a anteriorizar. Donc, le pied valgus, c'est ce qu'on retrouve chez la majorité des patients. Y el pie valgo es lo que encontramos en la mayoría de pacientes. Alors, il y a une chose qu'il faut aussi comprendre. Hay una cosa que tenemos que entender. C'est qu'il faut bien dissocier. Hay que disociar bien. Le côté positionnel du côté fonctionnel. El aspecto posicional del aspecto funcional. Si on réfléchit que d'un point de vue positionnel. Si reflexionamos solo desde un punto de vista posicional. Vous pouvez avoir un pied varus positionnel. Podéis tener un pie varo posicional. Mais si vous regardez la personne en appui monopodal, pero si miráis la persona en apoyo monopodal, vous allez voir que fonctionnellement elle va en valgus. Pero funcionalmente esta persona va a varo. Okay? Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est pas la position. Lo que nos interesa no es la posición. C'est la fonction. Es la función. Et donc, si fonctionnellement le pied varus part en dedans, fonctionnellement le pied varus se va varo. Donc, c'est un pied varus qui fonctionne en pronation. Es un pie varo que funciona en pronación. Et donc, à ce moment-là, pourquoi est-ce en pronation? En este momento, ¿por qué se pone en pronación? Donc, là, on en avait déjà discuté parce que ça lui permet d'augmenter. Pardon, pourquoi il se met en supination? Pourquoi se pone en supination? Parce que ça lui permet d'augmenter son bras de levier. Porque le permite aumentar su brazo de palanca. Et donc d'avoir plus de force pour lutter contre la gravité. Entonces así puede tener más fuerza para luchar contra la gravedad. Il faut bien comprendre que la majorité, les muscles font deux choses. Los músculos hacen dos cosas. M'ériger. Erigirme. Donc, c'est-à-dire, c'est sortir de la position fœtale. Salir de la position fœtale. Donc, la position fœtale, c'est quoi? Flexion, rotation interne. Quelle est la position fœtale? Flexion, rotation interne. Donc, il faut que ce soit des muscles qui soient extenseurs et rotateurs externes. Por lo tanto, necesitamos músculos extensores y rotaciones externes. Et puis après, il y a des muscles qui vont protéger quelque chose. Y después, hay músculos que van a proteger algo. Et les muscles qui protègent, la plupart du temps, c'est ils ramènent, si j'ai mal au ventre, je me tiens comme ça, je me tiens comme ça. Et les muscles qui protègent, qu'est-ce qu'ils font? Me ponen en cette position. De pied. Donc, si on reprend, pour que ça soit juste bien clair, hein, vous avez un théorème des moments. Pour que quede claro, vous avez un terreno. Tu vois le moment? Le veis? Donc, qui est. Les leviers, c'est la base de la biomécanique simple. Esto es biomecánica simple. Y si se graba y se dice por ahí, lo que estoy haciendo aquí, ¿lo veréis mejor? ¿Se ve bien? ¿Lo veis? Vale, ahí está. Donc, on est d'accord que l'équilibre, c'est un équilibre statique. Esto es un equilibrio estático. On a le poids et là donc on a la force. Aquí tenemos el peso y a la izquierda la fuerza. Donc, si pour une raison ou pour une autre, si por una razón u otra, il y a une diminution de la force. Hay una disminución de la fuerza. Alors, ça pourrait être quoi? Podría ser que une pathologie neurologique. Una patología neurológica, por ejemplo. Un frasque. Quand les muscles sont une poliomyélite. Par exemple, on a une poliomyélite, une débilité. Il y a une diminution des muscles. Il y a une diminution des muscles. Ça, c'est le côté manifeste. Esa es la parte manifiesta. Mais vous pouvez avoir aussi des perturbations de la force par rapport à des problèmes de coordination neuromusculaire. Podéis tener una pérdida de la fuerza por alteración de la coordinación neuromuscular. C'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment chez les footballeurs. Es algo que se encuentra muy frecuente en futbolistas. Alors, ils ont des grosses cuisses. Tienen grandes muslos. Mais ils sont pas capables de tenir debout sur un pied. Pero no son capaces de mantenerse de pie sobre un pie. Donc on comprend bien que c'est pas un problème de volume musculaire. Mais entendéis bien que no es un problema de volumen muscular. C'est un problème de coordination neuromusculaire. Es un problema de coordinación neuromuscular. Et quand il y a les footballeurs, par exemple, se font beaucoup d'entorses. Y cuando futbolistas tienen muchos esguinces. Et quand il y a des régions qui sont dysfonctionnelles. Y cuando tenemos regiones que son disfuncionales. On va avoir des co-contractions. Vamos a ver co-contracciones. C'est-à-dire que l'agoniste et l'antagoniste vont travailler ensemble pour protéger. Y se vería que el agonista y el antagonista quieren trabajar conjuntamente para proteger. Mais s'ils protègent, ils ne permettent plus la stabilité. Si protege, on ne permet pas. C'est-à-dire qu'on va avoir une stabilité locale. Hay una, habrá una estabilidad local. C'est comme si je mettais ma cheville dans un plâtre. Es como si pusiera el tobillo en un yeso. Mais comme c'est la cheville et le pied qui permettent la régulation posturale, pero como es el tobillo y el pie lo que permite la regulación postural, bah on va entraîner des mouvements sous-jacents. Lo que va a provocar movimientos subyacentes. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Está, está claro para vosotros? Donc, dans ce cadre-là, en este caso, si j'ai une diminution de la force, si qu'est-ce qu'on peut faire? De la fuerza, ¿qué puedo hacer? Au niveau médical, on va dire qu'il faut maigrir. A nivel médico, van a decir que adelgaces. Mais c'est pas ça qui marche mieux. Pero eso no es lo mejor que funciona. Donc, il va falloir déplacer le ciseau, le centre d'application des forces. Lo que vamos a tener es que desplazar el centro de aplicación de fuerza. Donc, s'il y a moins de force à gauche, si hay menos fuerzas a la izquierda, il faut que j'augmente le bras de levier. Tengo que aumentar el brazo de palanca. Mais je ne peux pas translater le pied, je ne peux pas le no translater, ça, ça ne marche pas. Pied. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que je l'incline. Entonces, como no puedo desplazarlo, lo puedo inclinar. D'accord? Et à ce moment-là, je gagne. Mon bras de levier devient plus important. Entonces, en este momento, mi brazo de palanca se vuelve más importante. Et le corps, il a deux possibilités. Pues el cuerpo tiene dos posibilidades. Ou on va le faire avec l'arrière-pied. O bien lo hace con el resto pie. Ou on va le faire avec le genou, avec le tibia. Con la tibia, con la rodilla. Mais ça, c'est des adaptations pour augmenter la force. Estas son adaptaciones para aumentar la fuerza. Sí. Donc, si on corrige. Je pousse là. Si corregimos. Pour corriger le varus. El varo. Qu'est-ce que je fais? ¿Qué es lo que voy a hacer? Je diminue le bras de levier. Voy a disminuir el brazo de palanca. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? ¿Esto está claro para todo el mundo? Donc c'est pour ça qu'on vous dit sur un pied fonctionnel. Es por eso que se dice, os decimos que sobre un pie funcional. On ne met rien en latéral. No se mete nada en lateral. C'est quelque chose qui est important à comprendre. Est-ce que, es algo importante que tenéis que entender. Par rapport à ce petit schéma qui exprime le théorème des moments, est-ce que c'est clair pour vous qu'on ne peut pas faire autrement? Está claro para vosotros o tenemos que explicaroslo de otra manera? ¿Os queda claro? Je reprends aussi une chose, c'est que en podologie classique, on regarde que morceau par morceau. Ahora te toma otro tema. En podología clásica se toma el pie, parte a parte. Et si on relie pas l'ensemble, on peut pas comprendre les choses la plupart du temps. Y si después no se relaciona el conjunto, no se puede entender bien cómo funciona. Et en fait, l'histoire de traiter le valgus ou le varus de manière opposée, c'est un espèce de syllogisme, c'est une erreur de raisonnement. Y el hecho de tratar el valgo y el varo de manera contraria es un silogismo, es un error. Au niveau du raisonnement. A nivel del razonamiento. Ok. Si par définition le valgus et le varus sont opposés. Si por definición el varo y el valgo son opuestos. Ok. Ça ne veut pas dire que le traitement du varus soit opposé au traitement du valgus. No significa que el tratamiento del varo tenga que ser opuesto al tratamiento del valgo. Hein, et c'est ce qui est enseigné classiquement. Eso es lo que se ha enseñado clásicamente. Il faut être très clair, ça paraît logique, mais c'est de la connerie. Hay que ser claro, esto parece lógico, pero es una gilipollez. Et c'est très facile à comprendre. Pero es algo muy fácil de entender. Pourquoi? Parce que la ligne de gravité, elle est antéro-interne par rapport au corps. Esto es muy fácil de entender. La línea de gravedad es antéromédial à... Donc ça veut dire que le pied, si on considère que c'est le levier, si consideramos el pie como la palanca, les muscles qui travaillent doivent être où? ¿Dónde debemos meter los pies, que los músculos que trabajan sobre el pie? ¿En arrière? ¿Detrás? ¿Y lateral? ¿Y lateral? ¿Ça tombe bien? Lo podéis palpar vosotros mismos. ¿Les muscles sont où? ¿Dónde están los músculos? ¿A l'arrière? ¿Detrás? ¿Y lateral? ¿Y lateral? C'est logique. Es lógico. Maintenant, celui qui dit on peut traiter un pied varus à l'opposé du traitement d'un pied valgus. Entonces, quien diga que puede tratar el pie varo con lo opuesto al pie valgo, ça laisse sous-entendre quoi? Ça laisse supposer quoi? Esto que es lo que le hace presuponer? Que on va recruter des muscles qui vont être antéro-médiaux. Va a presuponer que va a reclutar músculos que están anteromediales. Si on considère la symétrie au niveau du pied, il faut qu'il y ait une symétrie au niveau de la jambe. Porque si consideramos que hay una simetría a nivel del pie, tenemos que considerar que hay una simetría a nivel de la pierna. Alors, on l'a déjà posé, mais juste pour enfoncer le clou, quels sont les muscles qui s'insèrent sur la face antérieure du tibia? Entonces, para acabar de visualizar esto, ¿cuáles son los músculos? Decirle cuáles son los músculos que se insertan en la cara anteromedial de la tibia. Face antérieure. La cara anterior, perdón, cara anterior. Tibia la anterior. No, ya la va. Tocar la parte anterior de la cara. No hay músculos en la cara superior de la tibia. ¿Cómo se hace? ¿Entonces cómo se hace? Es que vos comprendéis que no es posible. ¿Entendéis que no es posible? ¿Cómo voy a estimular los músculos? ¿Cómo existe? ¿Cómo queréis estimular los músculos que no existen? ¿No? ¿Es pas clair, no? ¿No está claro esto? ¿No? Es que hay raisonnements a la con, y si ça marche dans un sens, ça doit marcher dans l'autre sens. Pero entendéis que la explicación da luz sobre esta idiotez de que si funciona un tratamiento, el otro tiene que funcionar. Y ça, souvent, c'est une grosse erreur au niveau raisonnement. Y esto es un gran error a nivel de razonamiento. Ça vous rappelle des choses en mathématiques que vous étiez dans les petites classes. Tout n'est pas réflexif. Todo no se puede reflexionar. Mais si on prend des exemples beaucoup plus intuitifs. Si tomáis un ejemplo mucho más intuitivo. On avait expliqué ça par rapport à la planche à voile. Os lo había explicado en relación al Wichur. Mais qu'on fasse du ski, qu'on fasse du vélo, qu'on fasse de la moto, c'est toujours pareil. Quand vous faites ski, bici ou moto, c'est le même. Imaginez que vous vouliez, vous avez un virage à faire sur la gauche. Imaginez que vous avez un virage à la izquierda. Et que vous êtes en moto. Y estáis en la moto. En vélo ou en ski, obligatoirement vous inclinez du côté du virage. Immédiatement, vous allez inclinar del lado del giro. Imaginez que vous inclinez du côté opposé. Imaginaros que os vais a inclinar del lado opuesto. Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué es lo que pasa? Ou vous allez vous casser la figure ou vous rentrez dans le mur en face. O bien te vas a pegar en gran cuestión, o bien te vas a romper la cara. Donc intellectuellement, on peut dire oui, un côté ou l'autre, c'est pareil. Mais non. Entonces intelectualmente tú puedes pensar, no, es lo mismo, un lado tiene que ser de la misma manera que el otro. Pero después, cuando lo ves en la rabita, veis que no. Donc, ce qui va expliquer que la majorité des varus. Es lo que va a explicar que la mayoría de varus. Son reactivos. Soit des contraintes biomécaniques. Ya sea a tensiones biomecánicas. Soit un côté épine irritative interne. Ya sea una espina irritativa interna. Maintenant, quand on est sur un pied organique. Ahora, cuando estáis en un pie orgánico, si vous avez un papillon microtraumatique ou une hyperkeratose nucléée sous la cinquième tête, tenéis un papilloma microtraumático o hyperkeratosis nucléée. Donc, à ce moment-là, évidemment, vous avez quelque chose en arrière de la cinquième tête. En ese momento, claro que vais a poner algo detrás de la cabeza del quinto metal. Parce que vous êtes sur quelque chose qui est organique. Porque estáis delante de algo que es orgánico. Ok, et sur du fonctionnel, on retire au niveau de la barre antérieure, au niveau de la barre interne, de la bande interne. Pero a nivel orgánico, en la función de la barre. La bande interne. barre antérieure, bande interne. Et la barre antérieure, la bande interne. On ne met rien sous la cinquième tête. Et on ne se pone nada en la cabeza. Pourquoi? Parce que vous avez compris que comme les l'angulation des métatarsiens fait que mécaniquement, si on fait tout, on est sous toutes les têtes méta, ça génère une pronation. Et quand vous prenez la littérature, vous verrez qu'il y a une association assez forte entre pronation et lombalgie. Donc, la majorité du travail, c'est j'ouvre, je recule. Entonces, la mayoría del trabajo es que lo abro, yo me reculo. Sí, porque tenemos entonces bajo quinta cabeza un problema blanco. Sí, ya ponemos galicio la siguiente. Perdón, vuelvo a repetir la pregunta. Cuando hay una enteratosis o un meloma bajo la quinta cabeza, ¿vale? Entonces, normalmente. No se pone nada a la vez, porque lo que hace es aumentar la inflamación. Pero yo necesito descargar. Entonces, la banda, o sea, la barra anterior, ¿llega hasta aquí o no llega? El chique, si o nada, como su, la sangre de interno, indica que es un poco. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la maison elle est déchargée, c'est parti, c'est en panique. Alors, en panique, on est d'accord. C'est juste que ce que je viens de dire avant, si tu as un papillon microtraumatique, si tu as une hyperkératose nucléée, il y a le corps qui fait mal, pas juste une petite hyperkératose, quoi, que ce soit un truc important. Dicen que es lo que acaba de explicar, que si es orgánico, que si hay un. En el oma. Que si hay una hiperkeratosis nuclear. Bueno, vamos a ver eso. Que eso es orgánico, eso sí que tendrás que, pero no una pequeña hiperkeratosis. Sí, en una pequeña no, como si es un endroma ya doloroso y tal. Sí, es lo que acaba de decir, que ahí sí que podrás poner. La banda a los lados. En ese momento, la banda anterior, la cabeza. En ese momento, la banda anterior va a ir hasta la cabeza de aquí. ¿Por qué es orgánico? Porque es orgánico. ¿Pero hasta la cabeza entera o descarga debajo? Detrás. Jusqu'au bord latéral de la souris. Hasta el borde lateral del zapato. Pero por detrás de la cabeza de Tito o debajo de la cabeza. Sous, así hasta la cabeza. Si tu veux décharger, tu vas faire quoi? Si quieres descargar, ¿qué es lo que vas a hacer? Es que va en relación a lo mismo. Vamos, hace poco tuve un paciente que tenía una callosidad, venía por una, llevaba unos soportes biomecánicos que iban bien y tal, pero yo por el tema del calzado deportivo le dije, podíamos hacer unas posturales que quizás te fueran mejor y pudieras usarlas todo el rato y tal. Entonces, lo que hice fue quitar, digamos, lo orgánico, dejarlo descansar unos días para que aquello no estuviera dolorido. Y entonces cuando exploramos, ya no es una zona dolorosa, esa zona, ¿no? Entonces, ¿sigue siendo algo orgánico, aunque no esté eso dolorido? Eso es un poco... Él dice que se le dio a un paciente que él había organizado, que él había enlevado, él había netallado, y entonces él la dejó reposar unos días. Pero no, él no tiene la lesión. Entonces, él ha enlevado el hiperkeratosis. C'est un petit peu compliqué parce que on sait très bien que retirer la lésion cutanée sabemos bien que quitar la lesión cutánea n'est pas pérenne. No es pérenne. Hein? Alors maintenant, pourquoi ça revient? ¿Por qué vuelve? Il y a deux explications. Déjà, première explication évidente, le soin de pédicurie n'a pas changé les appuis plantaires. porque la quiropodia no ha cambiado los apoyos plantares. Ah, en tout cas, de manière pérenne. De manière permanente. Je crois que l'effet du soin dans des populations qui ont des pathologies rhumatismales est de l'ordre de 15 jours, 3 semaines. Dice que, si no recuerda mal, la duración de los tratamientos sobre pacientes reumáticos es de 15 a... 2-3 semaines. 2-3 semanas. Bon, maintenant on peut penser aussi qu'il y a une mémoire tissulaire. Podríamos pensar que hay una memoria tissular. Et qui fait qu'un tissu qui a été agressé. Que un tejido que ha sido agredido. Bah, il va continuer à se protéger, même s'il est plus protégiéndose, incluso que ya lo has retirado. Donc, dans un premier temps, bah, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose en arrière de la tête. Se podría hacer algo por detrás de la cabeza. Et puis qu'au fil du temps, on va peut-être pouvoir s'en débarrasser parce qu'on aura corrigé les troubles posturaux. Y a medida que vayamos pasando el tiempo, vayamos trabajando, poder quitarlo porque ya estamos cambiando el apoyo. El problema postural. Entonces, has regulado ya los apoyos. En un primer tiempo lo pondrías y luego lo quitarías porque ya has regulado los apoyos. Vale, es que yo venía, la pregunta venía, lo que te he comentado, porque al haberlo explorado a los días, que ya no existía dolor en la zona, ni tampoco en las cabezas, ni nada, o sea, era una cosa que yo pensaba que tenía que haber dolor, ¿no? Cuando hacía la prueba de las espinas irritativas, me daba una espina irritativa en el talón, no en el antepié, o sea, mejoraba muchísimo. Entonces, no. Et quand elle a traité quelques jours après, on n'avait pas de fil irritatif dans la tête du cinquième. Et la patiente avait un fil irritatif au talon. Alors elle dit, même je dois faire ça. L'idée dans le fonctionnel, c'est qu'on traite ce qui est dysfonctionnel. Et dans le fonctionnel, je traite ce qui est dysfonctionnel. On va prendre l'exemple, on peut très bien avoir une hyperkératose sur le cinquième orteil. Vamos a retomar l'exemple, tenemos una hyperkératosis en el quinto dedo. Mm-hmm. Ou pourquoi pas une hyperkératose interdigitale dans le quatrième espace. Ou pourquoi pas une hyperkératosis en el espacio del cuarto quinto dedo. Ah, pourquoi? Parce que quand je marche, j'ai un avant-pied qui est en supination. Pourquoi? Parce que je tengo, quand camino, un antepied en supination. Et pourquoi j'ai un antépied en subulation? Okay. Peut-être parce que j'ai une épine irritative. Pourquoi? En antéro-antéro. Pourquoi j'ai une espine irritative en adelante? Pourquoi j'ai une espine irritative antéro-antéro? Donc, si on veut progresser, il faut se poser la question de pourquoi ça vient. Si queremos progresar, hay que plantearse la pregunta de por qué esto vuelve. Et puis après, la deuxième question, c'est est-ce que la perturbation, elle peut partir ou pas? La segunda pregunta es si la perturbación se puede ir o no. Et des fois, il faut combiner un petit peu les deux. Y a veces que hay que combinar las dos. Donc, si on admet que là, j'ai un patient qui a une épine irritative, il a une épine irritative, mais il vient avec une douleur externe. Si vamos a admitir, aquí tenemos un ejemplo de una persona que viene con una espina irritativa interna y además viene con el Donc, pour juste faire simple, on va prendre en compte que simplement il est en avant. Y vamos a pensar que simplemente esa persona está hacia adelante. Donc, je mets la barre pour le reculer. Voy a poner la barra para regularlo. Donc, déjà, je modifie les contraintes. Ya he modificado las tensiones. Au niveau des deux zones problématiques. Ya he modificado las tensiones sobre dos zonas que son problemáticas. Deuxième étape. Segunda etapa. Je viens mettre plus 2 pour neutraliser un élément antéro-interne pour neutraliser l'épine irritative de la plantaire interne. Más. Voy a poner más para neutralizar la espina irritativa interna. Et puis je refais mes tests. Y voy a rehacer mi test. Si c'est pas suffisant. Si no es suficiente. À ce niveau, il y a toujours quelque chose qui nous semble problématique dans ce point-là. Je peux prolonger ma barre. puedo prolongar mi barra. Et puis je peux faire aussi quelque chose qui est assez efficace. Y puedo hacer algo que también es muy eficaz. C'est découper ma semelle. Cortar mi plantilla. Donc là, j'ai retiré toute cette région-là. Voy a retirar esta zona de la plantilla. Donc là, on décharge. De esa manera se descarga. Et décharger d'un millimètre ou deux simplement l'épaisseur de la base plus du recouvrement, ça peut suffire. Y a veces simplemente retirando la base de la plantilla y el recubrimiento es suficiente, son un par de milímetros. Corta. Sí, pregunta, pero no tenía mucho. Retira la base de la plantilla, al cortar, retira la base de la plantilla y el recubrimiento. Parce que tant qu'on peut travailler en négatif, c'est mieux. Parce que par rapport à un problème d'encombrement dans la chaussure. Es mejor que hagáis esto, testarlo, que dejarle que siga en los problemas. Est-ce que c'est plus clair pour vous? ¿Está claro para vosotros? ¿Hay algo que sí? Que entonces podría ser compatible. Es que yo creo que a la hora de testar las piezas no testé correctamente. O sea, me centralicé en lo que hablábamos de duele el primer meta y tal, entonces puse un E ahí en vez de una barra entera. Sí, porque tampoco sabía, como me salió de las espinas del talón, me trastocó y no. Son datos de lesión, la resistencia de son pasión, la reunión. D'imaginer que voilà. Si tu as mal au talon, tu vas modifier ta position. C'est un exemple qui est peut-être pas bon, mais tu vas plus appuyer sur l'avant-pied. Vas a apoyarte más en el antepié si tienes un dolor en el talón. Sí, no, le problème, si vous voulez garder, il y a une phrase qui est intéressante qu'on utilise en ostéopathie. Mantener en la cabeza una frase que se utiliza mucho en ostéopatía. Sí, la douleur est une menteuse. El dolor es un mentiroso. El dolor es un mentiroso. Le fait d'avoir mal là ne veut pas dire que le problème vient de là. El hecho de tener dolor en un sitio no significa que tenga dolor en ese sitio. Ça, c'est un raisonnement par rapport à la pathologie organique. Esto es un razonamiento en relación a la patología orgánica. Oui. Mais dans le fonctionnel, on ne peut pas tenir ce type de raisonnement. En el funcional, no se puede tener ese razonamiento. Le problème, c'est que on est dans un problème. Enfin, on est dans des modèles. El problema es que estamos sobre un modelo. Et la plupart des gens travaillent sur des patients fonctionnels en ayant un modèle de pathologie organique. Y la mayoría de gente trabaja sobre pacientes funcionales con un modelo orgánico. Je voulais peut-être déjà raconter ma petite métaphore. Quizá ya os la ha contado, pero lo aquí. Le côté organique, je me casse la jambe. En el aspecto orgánico, me rompo la pierna. Le chirurgien, il n'a pas beaucoup à réfléchir. El cirujano no tiene mucho que reflexionar. Si la fracture, elle est sans déplacement. Si la fractura no tiene desplazamiento. Qu'est-ce que je fais? Un plâtre. ¿Qué es lo que voy a hacer? À l'endroit où c'est cassé. Un yeso donde se ha roto. Okay? Donc là, on est bien en rapport avec la pathologie, parce que l'organique. Entonces, là, on est en rapport avec. Ah, estamos en relación con la patología, porque es orgánica. Il n'y a pas à réfléchir, on ne va pas se dire est-ce que je le mets sur la jambe droite, est-ce que je le mets sur la jambe gauche. Tiene que pensar si lo pongo en la izquierda o la derecha. Par contre, tu as mal au dos, tu as une lombalgie. Por el contrario, tienes una lombalgia. Qu'est-ce qu'il faut faire? ¿Qué es lo que hay que hacer? Personne n'en sait rien. Nadie lo sabe. Peut-être que des semelles, ça va marcher. A lo mejor una plantilla va funcionar. Peut-être qu'une psychothérapie, ça peut fonctionner. A lo mejor un psicoterapeuta. Des massages. Un régime alimentaire, de l'acupuncture. Il y a plein de choses qui peuvent marcher. Parce que là, il n'y a plus une cause. Porque no hay solo una sola causa. C'est multifactoriel. C'est multifactoriel. D'accord? Donc il faut envisager les choses de manière différente. Ok, mirar las cosas desde otro punto de vista. Donc, maintenant, quand on raisonne, on dit c'est fonctionnel, c'est organique. Entonces, cuando razonáis si es funcional o es orgánico. Mais ça, c'est très simple quand on voit les choses comme ça. Es muy sencillo, en fait. Mais chez les patients, c'est pas comme ça. Pero los pacientes no es así. Il n'y a pas le fonctionnel. No existe el funcional. Et l'organique. Y el orgánico. Hein, la plupart du temps, c'est. La mayoría de veces. Il y a une intersection entre les deux. Et donc, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Y aquí es donde es más complicado. Et notamment au niveau la posturo pour les podos. Y más en relación con la posturología para los podos. Parce qu'en règle générale, les patients, il y a une association entre un problème organique de pied. Porque tienen una asociación entre un problema orgánico de pie. Et un problème fonctionnel de dos. Y un problema, ah, perdón, un problema orgánico del pie. Y un problema funcional de la espalda. J'ai une lombalgie avec un pied valgus, avec un valgus valgus. Tengo una lombalgia con un pie con un hallux valgus. Un pied en pronation avec un lombalgia con un hallux valgus. Donc là, il faut que vous preniez en compte les deux choses. Y hace falta que tengas en cuenta las dos. Donc, si on imagine par contre, on va faire la bande interne pour prendre en compte le pied valgus. Et puis peut-être que le pied valgus n'est pas pareil à gauche et à droite. Donc un coup je mettrais peut-être 2 mm de bande interne à droite et 3 à gauche. Et je continue mon examen clinique, il reste des choses. Y después, si seguimos nuestro examen clínico y se mantienen cosas... Bueno, peut-être que j'ajouterai une barre antérieure d'un millimètre à droite ou à gauche. Y quizá deba poner una barra anterior de un milímetro en uno de los dos lados. ¿D'accord? Sí. Donc, est-ce que cette notion de... pied fonctionnel, pied organique, c'est plus clair pour vous. Esta noción de pied funcional y pied orgánico está clara para vosotros. Parce que si vous avez travaillé avec des bandes internes, si habéis trabajado con bandas internas, et que vous avez interrogé vos patients, si habéis interrogado a vuestros pacientes, avant la bande interne, antes de la banda interna, s'ils n'avaient pas de semelle, ils vous disent juste ma chaussure en externe et juste ma chaussure en externe. Vuestro paciente os dirá que camina sobre el borde externo y que desgasta el zapato del borde externo. Vous le mettez la bande interne. Le ponéis la bande interna. Et la plupart du temps, vous dit ah, mon pied qui part moins en externe. Os dirá que su pie ya no se va a activar en externo. Ok. Sí. Donc, par rapport à ce pied, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas claires? Alguna otra cosa que no esté clara. A la hora de poner los elementos de la plantilla, normalmente en un generalizado, los limitamos a subtogresitario o subpulpar. Y las espinas. Las espinas. Y la espina. Si es localizado, es en el pie de apoyo. Comme il y a la traduction, essayez de poser des questions courtes. Parce que là, tu mets beaucoup de paramètres. Donc après, c'est compliqué de répondre. Essayez tous, parce que je pense qu'en Espagne, quand vous posez une question, vous parlez plus que ce que nous on a l'habitude en France, et en plus c'est la traduction. Donc faites des questions qui sont des questions vraies. Bon, même s'il y en a plusieurs, mais découpez la question. Anteriores y posteriores, la subtogresitaria o la subpar. pie lateralizado, el hemis en el pie de apoyo. Y si es localizado, es cuando ya tenemos también más elementos de reconducción. Una sistemática de generalité, on va encore combattre le risque. Si c'est la latéralité, c'est l'émission de la nuit. Et si c'est localisé, c'est là où on peut mettre plus des éléments. Oui. Mais comment? Si vous voulez, l'idée, peut-être qu'il y a des patients, il faudrait faire plusieurs choses. Mais moi, je ne vous conseille pas de tout faire en même temps. Parce que c'est un petit peu, imaginez que vous ayez un fusil où il y a deux cartouches. Vous avez un fusil pour deux cartouches. Si vous tirez vos deux cartouches du premier coup, vous n'en avez plus. Si vous disparaissez les deux cartouches à la vez, vous allez perdre. Donc, quelqu'un qui n'a pas de gros problème organique, qui vient avec les fibromyalgiques, là, on va avoir intérêt à travailler juste avec des sous-titres. S'il est en dysfonction systématisée généralisée, on va avoir tendance, on va avoir intérêt à travailler avec des barres sous-tubérositaires ou des barres sous-tubérositaires. Et si tes résultats sont bons avec ça, tu le redis, on se revoit dans un mois. Puis dans un mois, tu pourras te dire, bon, ok, en plus il y a des épines irritatives, je prends en compte les épines irritatives, il y a un pied qui est en pronation, je prends en compte le pied en pronation. Mira, queda una espina irritativa, vamos a tomar la cuenta. Ou la pronation. Ou la pronation. Allez. Passe en passe. Il y avait. Toi, tu voulais dire. Anna. Quand le patient est valvomanico et tratas con banda interna, si en el caso de que necesitases un estabilizador de cadera, con el que tenés una seguridad. Si una paralítica mecánica o un acné come un vago interno e una persona stabilizatrice, c'est ça? Es que tiene una cadena estabilizadora que ha salido de disfuncional. Sí. ¿La? No. Entonces, si puedes, si se pone la barra encima de la banda interna o la banda interna ya resuelve. Aló, la banda interna pone plus la barra o la banda interna. Et elle a déjà obtenu la part. Les deux hypothèses sont envisageables. Les deux hypothèses peuvent être possibles. Donc, alors, maintenant, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que concrètement? Comment tu résous le problème? Comment résolverais ce problème? Testando. Je veux savoir si est viable. On peut superposer des éléments sur la banda interna, si c'est correct. D'accord, oui, alors, bon, première idée, je teste ma barre, ma bande interne. La première chose est testo, mi banda interna. Est-ce que la chaîne stabilisatrice est toujours présente ou pas? Entonces, mi cadena stabilizadora se presenta ou non? Si elle est toujours présente. Si siempre sigue estando presente, quizás tengo que añadir otra cosa. Y là, j'ajoute la estimulación específica. Y entonces ahí añado la estimulación específica. Si ça suffit, pues j'ajoute la estimulación. Mais en fait, de manière plus générale, de manera más general, vous réfléchissez trop. Faites-le. Et Si on pense, on peut imaginer toutes les choses. Si pensamos, podemos imaginar. Mais en fait, revenez au test et ça vous libère la tête. Volver sobre los test y eso os va a liberar la cabeza. Et vous serez beaucoup plus fiables. Y seréis mucho más fiables. Había una pregunta por aquí. En el caso anterior de la barra anterior que se ponía de primero a quinto, de la barra anterior, o menos. Tu la mère, la défesseur, la première ou cinquième. Où sont les épinières? Elle dit que si on met la barre de première épaisseur, c'est pour un pied plat. ¿Cuál era la barre de la première en cinquième? Pourquoi tu veux mettre? Donc tu dis que tu mets, il faut mettre une barre antérieure sur un pied plat organisé, c'est ça? Si, era el caso que la prótesis que habíamos mostrado ahí. Y entonces yo quería entender que si se ponía el mismo grosor, el pie iba a tender a clonar más. Que si yo me ponía más grosor, que el mismo nivel. Él hace, que on doit mettre pas la même épaisseur, parce que si on met plus la barre de la même épaisseur, en fait, elle est liée à la pronation. Elle part en pronation, alors on met plus d'épaisseur sur la première tête, et la première, et moins dans la cinquième. Est-ce que tu as compris pourquoi? Est-ce que tu as compris pourquoi? Pourquoi c'est pas assez? Non, je ne sais pas. On l'a dit, mais ce qu'il faut, c'est comprendre. On l'a dit, se ha dicho, on l'a expliqué. Pero tienes que entender el por qué se ha dicho. Si lo entendiste. Ah, sí, por eso, pero como él dijo, se pone más entendido y no se puso un coche, ya me ha soltado la gente. Sí, él había comprendido que toujours on met une différence d'épaisseur entre l'une et l'autre. Hein, on reprend la première chose. L'angulation, okay, le cinquième état, il a une angulation qui va faire à peu près 5 degrés. El quinto état tiene un ángulo que va de unos 5 grados. Si on prend le premier, si tomamos el primero, évidemment ça va dépendre des types de pieds, mais en gros, on va dire 30 degrés. Y estará a unos 30 grados. Donc, si on met quelque chose qui a la même épaisseur partout, si ponemos una cosa que tiene el mismo espesor por todo el espacio, il va d'abord agir sur le cinquième rayon. Primero va a reaccionar sobre el quinto radio. Si je soulève le cinquième rayon, je fais basculer le pied en dedans. Si yo m'attends sur el quinto radio, voy a hacer que todo bascule hacia él. Peu importe, on va dire peu importe le pied, c'est la théorie générale. Esto es la teoría general. Bon, donc, après. Donc, est-ce que, par rapport à ta question derrière, et comme on a une épine évitative et un effet là, on a dit qu'on met une barre complète, mais qui sera de la même épaisseur. Ça pourrait être aussi. J'ai dit, on prend que le côté antéro-postérieur pour que ça soit simple. Mais peut-être qu'on aurait pu mettre une bande interne aussi. Donc tu commences par mettre la même épaisseur. Et en règle générale, tu mets rien sous la cinquième tête. Et après, en fonction de l'endroit où il y a les épines irritatives, tu mets un relief plus important. Mettez un relief plus important. ça, faut le tester. D'accord. Eso de la pibre, de las máquinas, si da positivo un test de estabilizador vertical, pones una barra media, eso es la acción de las máquinas, de los que colocan. El primer punto en cuestión es la reacción del semen. Si tú tienes una malla de estabilizadores de calidad, tú colocas. Si una alumno test de Schoen estabilizador es positivo. Y ahora, y colocas una barra media, estabilizas la cadera, pero ¿llegas a hacer funcionar esos estabilizadores? ¿O no? Ahí hay problemas. Es decir, que, bien sûr, on a un chaîne de mouvement estabilizatrice positive, alors on met une barre médiane. Oui, on met une barre médiane. D'accord. On s'améliore le test. Médiane. D'accord. Et ça améliore le test. Mais ça fait que les stabilisateurs seront fonctionnels ou pas? Toujours pas, il n'y a pas de réponse, oui ou non? Non, si après, il y a une réponse, si non. Parce qu'après, on revient à quelle est la cause de la chaîne stabilisatrice. Quelle est la cause de la cadena stabilisadora? Alors, donc, pour toi, au niveau podo, para ti, a nivel de podo, tu vas suivre ton patient pendant 3 mois, 6 mois. Vas a ver a tu paciente después de 6 meses. Et si tu vois au bout de 6 mois qu'il y a toujours la chaîne stabilisatrice quand il n'y a plus la stimulation contraire. Y tú ves que después de 6 meses sigue con su cadena estabilizadora sans la stimulation. Voilà. Sin la estimulación plantar. Tu as intérêt à laisser ton patient à quelqu'un qui fait de la thérapie manuelle et qui connaît les chaînes stabilisatrices. Deberías derivar a tu paciente a alguien que conozca la terapia manual y que pueda ayudar a regular la cadena estabilizadora. Y peut-être en PNS, quizá en PNS, on régule très très bien les chaînes stabilisatrices. Se regula muy bien la cadena estabilizadora. Quand elles sont fonctionnelles, après il y a la chaîne stabilisatrice parce qu'il y a des pathologies neurologiques. Otra cosa es que sea por una patología orgánica. Donc, si votre traitement là, il a une efficacité qui n'est pas définitive, envoyé chez quelqu'un qui fait de la PNS. Si vuestro tratamiento no tiene una solución definitiva, derivada. Puede dar una solución temporal. O sea, pones el elemento, y a los 2 meses funciona. Lo retiras. Y a los 4 meses vuelve otra vez. ¿Eso es posible o no? Una vez que se soluciona la misma. Et si on met la barre médiane, alors on laisse deux mois les patients en test et c'est fonctionnel. Et alors on revient après 4 mois avec autre chose. Dites que l'on retire. Quatre mois après, il retourne avec la même chaîne de services. Ça peut arriver. Puede ser. Oui, bien sûr. Peut-être que tu n'as pas tout régulé. Hein? Donc à ce moment-là, tu remets. Ou tu l'envoies chez quelqu'un qui fait de la PNS et tu vois si ça améliore mieux. Ou tu le remets un peu plus longtemps ta stimulation. Ou bien tu le pones la stimulation más tiempo, ou bien lo derivas para un tratamiento complementario con PNS. Porque en los elementos unilaterales, si los dejas mucho tiempo, puede ser posible que te haga una traslación, por ejemplo, un EMI para tratar un parásito protector de la rodilla. On dit que si on met un élément souvent dans un côté, si on les laisse beaucoup de temps, on risque de translater beaucoup la personne. Oui, il y a toujours une possibilité. Il y a une possibilité. Donc il y a deux choses, il y a le côté morphologique de la personne. Ah, il y a l'aspect morphologique de la personne. Il y a des gens qui ont un pied qui est plus en pronation que l'autre. Et puis, il y a une translation. Donc, mais si vous voyez deux, trois fois le patient, si veis al paciente dos o tres veces, et que la stimulation est toujours nécessaire, y siempre la stimulación es necesaria, vous lui dites, il va bien, je l'ai vu trois fois, je vous revois dans six ou huit mois. Je vous revois dans six ou huit mois. Il a déjà vu un mois, je te revois Si tú lo has visto, por ejemplo, un mes, tú le dices, venga aquí, de aquí, seis, ocho meses. En gros, alors, je ne sais pas comment ça fonctionne en Espagne, mais en France, il est institutionnalisé que la durée de vie d'une paire de semelles, c'est un an. En Francia, aquí no sabe cómo funciona, pero en Francia está institucionalizado que la duración de un par de plantillas sea de un año. Alors, pourquoi institutionnaliser? Parce que la sécurité sociale prend en charge tous les ans une paire de semelles. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale te permet, te subventionne, entre guillemets, que tu hagas un par de plantillas à l'année. Et ce qui, par rapport au matériau qu'on utilise avec des semelles fines, c'est à peu près correct. En moyenne, c'est correct. Y es más o menos lo que puede durar con estas pandillas tan finas, es correcto la duración. Vous allez voir que quand on utilise des résines, y veréis que cuando utilizamos resinas, notamment quand il y a la résine est sous les têtes métatarsiennes ou au-delà, cuando la cabeza está bajo la cabeza metatarsiana o más allá, il y a une petite rupture. Hay una pequeña ruptura. En arrière de la première tête de la. Hay una ruptura detrás de la primera, de la cabeza del primer metal. Bueno, la semelle commence à s'estreindre. La plantilla que está. Y va muy bien para todo lo que está comportando. Y en même temps, ça permet aux patients de dire que quand on met des semelles, quand il y a un traitement, il faut faire un contrôle. Ok? Y hay que decirle al paciente que cuando se pone una plantilla, debe seguir un control. Au moins, faut qu'il vienne une fois par an, on change pas, mais il vient une fois par an. Al menos tienes que venir una vez al año y entonces revisamos y si hay que cambiar, se cambia, si no, no. Ya, no, era más que nada que si el tratamiento era un arma de doble filo, el bilateral para tratar algo y si no se retiraba a tiempo, que nos hiciese una traslación. Sa question allait parce que. Elle dit qu'un traitement unilatéral, si c'est un arbre de double fil, de double couteau. Oui, un double penchant. Oui, et parce qu'on translate, on améliore les genoux, mais on risque de faire un souci dans un autre. Oui, d'accord, c'est pour ça que je te dis que si au bout de tu le vois trois fois de suite. C'est ce que tu dis, si tu le vois durant trois mois, c'est et que tu retombes toujours sur la même chose. Y siempre vuelves sobre lo mismo. Ben, tu peux le laisser comme ça. Tu peux dejarlo así. Mais peut-être que lui va aller voir un ostéopathe ou je sais pas, on va lui faire un autre traitement, est-ce qu'il va modifier les choses? Quizá me envías a un ostéopata y entonces cuando te vuelve han cambiado cosas. Alors, ce qui est important, c'est que si vous voulez la responsabilité de la semelle. Lo que es importante es que la responsabilidad de la plantilla genera nuevas algias. Genera nuevas algias. Y souvent, très proche, concomitante de la remise de la semelle. Y muy cerca de la puesta de la plantilla. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient vous dire, suite à la semaine, dans la semaine après la semaine, j'ai mal à la tête. Si os dicen, mira, después de haberme puesto la plantilla, una semana después me empezó un dolor de cuello, de cabeza, es una gran probabilidad que haya sido la plantilla. Si vous dites la même chose, ah ben non, j'étais bien pendant trois mois. Si os dicen, no, yo estaba bien durante tres meses. Et puis, depuis la semaine, va pas. Y después la plantilla no va bien. Ben, la semaine qui va pas, c'est qu'il s'est passé autre chose. No es la plantilla lo que no va, es otra cosa que ha pasado. J'accepte que la semelle puisse créer des problèmes. Él acepta, dice, sí, la plantilla puede crear problemas. Et par expérience, porque crea el problema si es rápido. Pero por experiencia, los problemas que se puedan crear son inmediatos, prácticamente. Cuanto más pasa el tiempo, menos es la plata. Y por eso es importante plantear muchas preguntas. Est-ce que vous avez péché le dentiste? Est-ce que vous êtes tordu le pied? Est-ce que vous avez été malade? Avez-vous été enfermé? Avez-vous été dentiste? Vous avez roto bien? Vous avez été malade après les antibiotiques? Après, il est fatigué? Vous avez eu un choc émotionnel? Il y a eu plein de choses possibles. Un choc émotionnel, il y a eu muchas posibilidades. Siempre hablamos de plantilla postural, digamos, probablemente para, o en qué caso está indicada una mixta. Es decir, no sé si hay que darlo otro año. Segundo, vale. Por ejemplo, parece que tenga las dos cosas, orgánico y... Lleva siempre una plantilla biomecánica. O metro que se le hemos subido en el biomecánico. Es mi opinión, no lo sé. Y a veces, es decir, no una plantilla plana, sino una forma de il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Premièrement, la définition d'une semelle de posture. Et simplement que quand on la met sous le pied, elle modifie la posture dans un sens favorable. Es que cuando tú pones la plantilla bajo pie de una persona, modificas su postura en un sentido. C'est pas une histoire de millimètres, c'est pas une histoire de stimulation. No es un tema de milímetros, es un tema de estimulación. Donc, c'est ce que je disais précédemment, les podologues qui vont traiter les patients qui ont mal au dos. Los podólogos que van a tratar a pacientes con un problema a nivel lumbar. Ils vont avoir un problème organique, un problème fonctionnel. Van a tener un problema orgánico. Il faut prendre en compte les deux. Hay que tomar en cuenta los dos. Après, comment on peut le prendre en compte? ¿Cómo se puede tomar en cuenta? Est-ce que, parce que toi, quand tu parles de thermoformé, tu parles de thermoformé ou tu parles de semelles de type rousse, en flexible, des choses comme ça? Hablas de thermoforma, non, la autre, l'autre, c'est le pillant. Lo de thermoformada son plantillas de tipo rousse, rousse, en rousse, rousse. Donc on met en flexi. En flexi. Tu les fais commenter. Tu les fais encore sobre qué material haces tus pastillas? No, la resina. Pero yo creo que se refiere a hacerle el arco, ¿no? Tú, no, sí, el arco. Hacer el arco. ¿Es eso? Donc c'est pas des signes mécaniques de type américain. La semelle classique, que se dit toujours en Espagne. Donc, est-ce que c'est une semelle que tu fais sur positif? Négatif, positif, et tu fais après tu coules tu mets du flexi dessus ou pas? Tu haces una plantilla en flexi con tus formas y luego le metes los elementos. Bon, d'accord. Donc en fait une correction intrinsèque en mettant un postillon. Tu pones una estimulación intrínseca y luego. Une correction. D'accord, ok. Alors, donc, ta question, c'est savoir est-ce qu'on peut mixer les deux? Si, oui. Bon. Alors, techniquement, oui. Mais, moi, je ne vois pas l'intérêt. Dice, sí, lo puedes hacer, pero no le ve ningún interés. Alors, pourquoi? Déjà, il y a un côté méthodologique. Es un tema metodológico. C'est que, comme tu mixes deux choses, como mezclas dos cosas, chez le patient chez qui ça va bien, pas de problème. En pacientes que vaya bien, ningún problema. Chez le patient chez qui ça va pas. En los pacientes que no funcione. Le problème est où? ¿Dónde está el problema? Bloqueas, estás bloqueando. Entonces, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas mettre d'autres paramètres. Tu fais une stimulation A posturale et un traitement B mécanique. Donc, haces un traitement A postural, B et el B, que es la parte mécanique. Donc, quand ça ne marche pas, comment tu fais après? Si no funciona, ¿cómo puedes tú mejorar a esa persona? ¿Qué elementos tienes tú para valorar cómo modificar a esa persona? Los test, ¿no? Para poder... ¿Cómo tú? No, tú testas A más B. Tú tienes que testar A más B. Entonces, cuando tú testas, tú testas A más B. Tú testas A más B. Y A más B no va bien. A más B no va bien. ¿El problema de A o de B? El problema es de A o de B. Ya, no es una, bueno, ahí está. Habría que testar una u otra, claro, es que... El chique ya lo guarda desde que... Entre dos chaises. Porque en francés diría que tenéis el pie El culo entre dos sillas. Mais c'est pas en mettant les deux chaises l'une sur l'autre que ça va aller mieux. Pero poner una silla encima de otra y sentarlo no va a mejorar las cosas. Donc, si vous voulez faire la, des semelles type foot au papa, vous faites vos tests posturaux. Si vosotros queréis poner plantillas de tipo root, ningún problema, pero hacerle vuestros test posturales. Maintenant, réfléchissez, quel est l'avantage de faire du root par rapport à la posture. Y entonces, reflexionáis sobre la ventaja de hacer las tipo root o las tipo posturales. Et si vous faites de la posture haute, faites que de la posture haute. Si après, il peut y avoir quelques contre-exemples quand on est dans des problèmes organiques. Pueden haber ejemplos que se salgan de la norma cuando estamos ante problemas orgánicos. Si vous avez un pied qui est très très creux, si tenéis un pie que es muy caro, mais à ce moment-là, à mon avis, il vaut mieux faire du thermoformé classique. Quizá es mejor hacer una termoformada clásica. Alors, on peut ajouter, mais c'est toujours plus compliqué. Moi, je ne suis pas favorable à mélanger les choses. En ese caso, podrías hacerlo. Él no es favorable, pero en ese caso podrías hacerlo. Mais on peut le faire. Postural ne veut pas dire que ça soit plat. Ça veut dire que ça joue sur la posture. Postural ne signifie pas que sea plana. Signifie que réagit sur la posture. Après, si on réfléchit en termes de simplicité et de fiabilité. Si réflexionamos en términos de simplicidad y fiabilidad. Qu'est-ce qui est le plus simple à faire, une semelle de posture ou une semelle de root? ¿Qué es lo más sencillo de hacer? ¿Una plantilla de root o una plantilla de postural? Il n'y a pas photo. Tu mets combien de temps pour faire une semelle type root? ¿Cuánto tiempo pones para hacer una plantilla de root? Donc, s'il n'y a pas, si la semelle root apporte quelque chose de mieux, Si la plantilla de root te aporta algo mucho mejor. Oui, du root. Ah, root. Mais si ça ne porte pas plus et qu'il faut mettre beaucoup plus de temps pour la faire. Si non, porta más y además le tienes que emplear mucho más tiempo para hacerla. Donc, et si vous voulez, souvent les gens mélangent les choses pour se rassurer. Y a veces, y a menudo, la gente mezcla las cosas para, para sentirse seguro. Mais mélanger les recettes, ce n'est pas forcément bon. Pero mezclar las cosas no. Oui, on va voir, parce que vous, ça fait longtemps que tu fais la recette. Si, après une première méthode, si la hacemos de nombre, si no se mueve, dejemos que estaba en intercontrol. Antes ya vas a comer y antes a seguir. ¿Qué haríamos con ese paciente? ¿Cómo actuamos? Desconfiar de lo que porque no sabemos si está anteriorizado o está anteriorizado. Bueno, c'est des patients difficiles. Con los pacientes difíciles. Et pour bien les objectiver, c'est compliqué, sauf sur une plateforme de France. Es muy difícil de objetivarlos, excepto sobre una plataforma de fuerza. Parce qu'avec le Romper, on voit bien les gens qui bougent beaucoup. Porque con el Romper vemos bien el que se va a hacer la carrera, pero porque vamos muy bien. On a du mal, je pense, ceux qui bougent pas beaucoup. Pero el que no se mueve mucho es el que tenemos que matar. Maintenant, à l'interrogatoire, des fois, on peut avoir des pistes. Y en el interrogatorio podríamos tener alguna pista. Et il y a peut-être une question qu'il faut que vous posiez systématiquement, si vous n'avez pas de chance. Y si no tenéis plataforma de fuerzas, podríais hacer algunas preguntas. Est-ce que vous essayez de vous tenir bien, de temps en temps? ¿O intentáis poneros bien de tanto en tanto? Donc, s'ils essayent de se tenir bien, on a vu que c'était une catastrophe et ça marche dans l'hypercontrôle. ¿Qué quiere decir que es esa persona, esto es catastrófico y está en hipercontrol? Lo están corrigiéndose todo el rato. Donc là, on insiste parce que c'est important. Donc, à ces patients, on leur dit que quand ils se corrigent, ils ont un problème, ils le corrigent, ils créent un deuxième problème. Comme este paciente tiene un problema y lo corrige, tiene un segundo problema. Est-ce que vous comprenez tous pourquoi? Todos entendéis por qué? ¿Todos entendéis por qué tiene dos problemas? Porque gasta ¿sí más energía. No? ¿Sí? No. Porque tiene que ser involuntaria, ¿no? El control de la postura, ¿no? Voluntario, ¿no? Gasta que el control voluntario de la postura. Sí, c'est la definición de hipercontrol. C'est parce qu'ils vont faire volontairement faire travailler des muscles fasciques. Porque voluntariamente hace trabajar a musculatura fásica. Que es una musculatura que es fatigable. Que es una musculatura que es fatigable. La musculatura fásica no puede luchar contra la musculatura tónica. Y la musculatura fásica no puede luchar contra la musculatura tónica. ¿Sí? Y en plus, además, ça va perturber votre traitement. Va a perturbar vuestro tratamiento. Faut expliquer ça. Hay que explicar eso. Donc, vous, de manière très très grossière, vous changez le programme chez la personne à travers la stimulation plantaire. Con una estimulación plantar de manera grollera vais a modificar el esquema de la persona. Donc, si elle volontairement avait un autre programme, si elle, ouais. Volontairement avait un nouveau programme, si ella voluntariamente pone en marcha otro programa, le vôtre ne va pas travailler, il ne va pas fonctionner. El vôtre no va a funcionar. Alors, quand vous avez des gens qui ont besoin de contrôler, si tenéis una persona que tiene necesidad de controlar, vous pouvez les envoyer faire de la relaxation. Les podéis enviar a hacer relajación. Qui relâche un petit peu des techniques qui leur permettent de se relaxer. Hay técnicas que les pueden permitir relajarse. Et puis vous pouvez leur demander de contrôler qui ne contrôle pas. Y pedirle que controlen que no controlan. Oui, mais sa question était comment on dit. C'est le premier truc. Après, después, on a dit si le romberg n'est pas antérieur ni postérieur, el romberg no es anterior ni posterior, t'essayes barre subpulpaire, barre subpulpaire. Pruébale con una barra subpulpar o subpulpaire. Sí. A ver cuál de los dos. Et là, par rapport au romberg, est-ce qu'il va nous intéresser? Y en relación al romberg, lo que nos va a interesar. Est-ce qu'éventuellement la personne bouge un petit peu plus? Es que con el romper, con el elemento, se va a mover un poquito más esa persona. Mais c'est surtout le posturodynamique qui va être discriminant. Y el posturodinámico es el que nos va a dar la clave. ¿Sí, Jorge? Sí, es una pregunta un poco básica, pero a modo de resumen. Si un paciente generalizado, sistematizado, lo que pretendemos es conseguir que llegar o a la perfección, que no tenga ninguna crucecita, o a localizado, al menos, ¿es posible que tras hacer... Vale. On admet que on a sistematisé généralisé, alors notre idée, c'est aller vers la... on tourne pas de creux, ou bien les poser dans les localiser, passer à localiser. Alors, tras hacer las barras pulpares suplementarias, quitarle espinas, controlar la pronación y reconducción, ¿es posible que nos quedemos en cruces de paciente sistematizado lateralizado? ¿O vamos a llegar seguro, al menos, a localizado? Es decir, que en cuanto a sistematizar generalizar, on fait le traitement y. Toujours, on arrive à localiser après l'étonnement de la barre. On pourrait passer aussi par les épines. Puedes pasar por localizado hasta llegar a hasta lateralizado hasta llegar a localizado. Llegaré siempre a lateralizado haciendo todo ese tratamiento. Toujours, on passe par lateralisé. Pero siempre voy a llegar. Es decir, arrêtez avec les toujours. No digas siempre. Vale, vale. C'est pas biologique. A localizado o como que ya no tiene nada. Eso es lo que quieres decir. Que puedes llegar a que no tenga nada. Il y a plein de questions. Vous testez, oui. Et vous avez la réponse. Il dit que si avec les traitements on peut arriver à que la personne soit nulle. Nulle avec. si por cualquier razón me siguen con todo el tratamiento... Ça peut marcher des fois la première consultation, des fois la deuxième, des fois la troisième, des fois la quatrième, et puis des fois je reviens. Oui, et sinon il avait la thérapie. Ah, et après il rentre. El tema está en que tú puedes mejorar mucho a la persona, pero a lo mejor te queda alguna cosa que se te va a escapar y lo tienes que derivar, por ejemplo, a terapia manual. Eso es lo que quiero preguntar. Si me quedan las tres cruces de un lado y si me quedan lateralizado, ¿qué he hecho mal con todo mi tratamiento? Que yo ya no sé qué más ponerle y el paciente me dice, es que me noto... Y él comprende que si es de quelque chose, je crois que c'est para lui, comprend que si la personne est morte, il reste ici et il ne veut pas sortir d'ici, il dit qu'est-ce que j'ai fait mal pour ne pas aller à que la personne soit nulle. C'est pas que tu fais quelque chose de mal. Non, quiere decir que tu hayas hecho algo que esté mal. Mais il faut, bon, les semelles de posture, elles sont efficaces. Las posturas, las plantillas de postura tienen su eficacia. Mais elles ne vont pas tout traiter. Pero no pueden tratarlo todo. Et d'un autre côté, vous ne savez pas tout par rapport aux semelles de posture. Y después, tú no lo sabes todo todavía en relación a las plantillas de postura. Donc, c'est des choses qui vont évoluer en fonction du temps. Y son cosas que van a evolucionar en función del tiempo. Mais vous suivez votre patient quand vous retirez des croix. Y sigue al paciente en relación a las cruces que vas retirando. Hein, et en règle générale, c'est corrélé avec une diminution de la symptomatologie. Et c'est corrélé avec la diminution de la symptomatologie. À un moment donné, il reste toujours une croix cervicale. Peut-être qu'il faut orienter chez l'ophtalmo, chez l'ostéopathe. À l'ostéopathe, à l'ostéopathe. A los de Ópana, a Ima, o sea... Me di mal. Para los niños, es decir, ¿hay algún límite a partir de algún momento en el que, pues a partir del momento que puedas hacer una exploración? A ver, ¿y es un fan? ¿Cómo fue? Chez l'enfant, on fait pareil que chez l'adulte. Mais la difficulté, c'est l'examen clinique. Le problème de los niños es el examen clínico. Donc il faut aller plus vite. Hay que ir mucho más rápido. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Hay cosas que no podrás hacer. Mais là, on peut prendre en compte davantage le côté morphologique. Quizás tomarás más en cuenta el aspecto morfológico. En pensant que l'enfant il est moins perturbé que l'adulte, il a moins de parasites. Pensando que el niño está menos perturbado que el adulto. Et puis petit à petit, on va arriver à des tests sensoriels. Y poco a poco llegaréis a poder establecer tests sensoriales. Qui vont vous permettre de voir si la stimulation normalise les tissus. Que os permitirán saber si los estímulos normalizan los tejidos. Et donc ça, c'est plus facile à faire chez l'enfant. Entonces será mucho más fácil poder hacerlo en niños. Est-ce que dans ta question, il y avait aussi à partir de quel âge on peut mettre des semelles? En tu pregunta estaba también a partir de qué edad se le puede poner plantillas? ¿Hay algún límite? Oui. ¿Hay limite o pas? Non. No, no hay limite. La limite serait l'utilisation des réflexes. El límite sería la utilización de los reflejos. Les réflexes chez l'enfant, ils commencent à ils commencent quand? Los reflejos en el niño, ¿a partir de cuándo empiezan? Un niño que tenga sintomatología y que se caiga. Vamos a intentar ayudarlo. Et pas en fonction de son âge. No, en fonction de son âge. Bah, t'as 5 ans, je vais t'aider à pas avoir mal, t'as 4 ans, je t'aide pas à pas avoir mal. Tienes 5 años, venga, pasa para dentro, 4, no, todavía no cumple nada, no puedes pasar al bar. Esto es como el bar, lo del 16, hasta que el 16 no entras. Le problème, c'est que la douleur chez l'enfant est très mal reconnue. El problema es que el dolor en los niños está muy mal reconocida. Et que dès qu'un enfant a mal, on dit, ah, c'est parce qu'il grandit. Y cuando un niño tiene dolor, se suele decir, no, es porque estás creciendo. C'est de la connerie, il n'y a pas de douleur, de problème, il y a de la pathologie de croissance. C'est une idiotesse, parce que le crecimiento no duele. Et s'il y a une pathologie de croissance, il faut la prendre en compte. Et s'il y a une pathologie de crecimiento, il faut la prendre en compte. Et souvent les parents disent ah oh oui, mais de se faire porter, c'est psychologique. Ah non, bueno, no te preocupes, si lo vamos a llevar al psicólogo. Et les parents se disent mal, c'est pas psychologique. Y los padres no saben que eso no es psicológico. On essaye d'aider comme on peut. Et ça marche très bien sur les enfants qui tombent, avec des semelles normalement, très rapidement ils tombent. Et va muy bien en niños que se caen mucho, porque después de las pandillas ya no se caen. Parce que tomber au niveau psychomoteur, c'est quand même pas terrible. Au niveau de leur développement psychomoteur, c'est pas terrible. C'est pas autre chose. C'est pas bien de tomber tout le temps. A nivel psicomotor, no es bueno que el niño se caiga todo el rato. A ver, es alguien que se curta, ¿eh? Y en casos en los que los reflejos no los tenga integrados a la edad que debería de tenerlos, ¿primero reflejos y luego plantillas o las plantillas también ayudan? Si on trouve un enfant qui a les réflexes qui ne sont pas intégrés dans l'âge, est-ce qu'on devra avoir intégré les réflexes? On sait d'abord les réflexes ou d'abord la semelle ou la semelle et les réflexes? Alors là, parce que là, quand tu parles des réflexes, c'est dans quel sens? Quand tu parles des réflexes, en quel sens est-ce? Par exemple, Bassani. O sea, Babinski debería estar integrado a una edad y no está integrado y ves que... On trouve un Babinski qui n'est pas été intégré dans l'âge qui devait être intégré, alors... C'est quoi, c'est 3 mois l'intégration du Babinski? Non, 3 ans. Grasping ici, on va déjà discuter, mais c'est pas classique au niveau médical. Alors ça veut dire que tu consultes un enfant qui est de quel âge là? Tienes un niño, por ejemplo, de qué edad? 8 años. 8 ans. Donc, si ses réflexes ne sont pas intégrés, s'il a un Babinski, normalement ça voudrait dire quoi? Si sí, un niño no tiene los reflejos integrados a esa edad y es un Babinski, ¿qué quiere decir? ¿Es que es un caso que has visto o es un caso que has visto o es imaginario? No, es mi hija. Es esa hija. Entonces, en primer etapa, d'abord, yo lo voy a consultar a un neurólogo. En primer caso, lo enviaría a un neurólogo. Hein, est-ce qu'il y a des deux? C'est bilatéral ou pas? Est-ce bilatéral ou non? Oui. Et est-ce que... Bon, après, on peut faire d'abord de la thérapie manuelle. Puedes hacer primero la terapia manual. Est-ce que quand on fait la thérapie manuelle, ça cède ou pas? Et quand on fait la thérapie manuelle, ça cède ou non? Non, je l'ai probé. Por eso, lo pruebes. Si ça aide ou non? Avant de faire des trucs compliqués, quoi. Antes de faire des choses compliquées. Mais sinon, bah... Moi, je n'ai pas d'expérience par rapport à ça de manière pas spécifique, mais voir qu'il n'y ait pas autre chose. No tiene experiencia en cuanto a esto, a este caso específico, pero prueba de hacerlo de esta manera. En pacientes neurológicos, les patients neurologiques en stimulation, ça arrive ou quand c'est organique, ça n'arrive pas. Non, moi j'ai vu qu'un patient qui n'intégrait pas les informations. Et solo ha visto un paciente que no integrara las informaciones. C'était un bruit de la plante des pieds. Que era una persona que tenía quemada la planta del pie. Simplement au niveau quand il y a des patients neurologiques. L'échelle de temps par rapport au traitement est différente. La escala de tiempo en relación al tratamiento es diferente. Des fois c'est sur des mois, voire des années pour obtenir. Des mois ou des années pour obtenir. A veces necesitas meses o años para encontrar una mejoría. mais ça vaut le coup d'essayer. Pero intentar igualmente. Claro. Para expérience, je peux dire. Sur les Parkinson, on a des résultats. Sobre parkinsonianos, hay resultados. Alors, on ne soigne pas la maladie, mais ils ont une meilleure mobilité. Pero tienen una mejor movilidad. Moins de freezing. Menos temblor. Et vous savez, les parkinsoniens, ce qui est intéressant, c'est de les regarder, on les fait marcher, bon, vous savez, ils ont du mal à initier le pas. Sabéis que los parkinsoniens tienen problemas. C'est compliqué. Tienen problemas para iniciar el paso, después pueden caminar y después tienen problemas para girar. Et vous allez voir, bon, vous faites vos tests classiques. Hacéis test clásicos. Ces tests-là qui sont adaptés. Y después estos tests que están adaptados al de caminar y girar. Pero, sí. Moi, je ne travaille pas beaucoup avec des patients de neurologie lumbo. No tiene mucha experiencia con otros que sean neurológicos clásicos. Mais je suis quelques polio, quelques hémiplégies. Ha seguido algunos polio, unos con polio o hemipléticos. Et je suis exactement le même protocole. Y sigue exactamente el mismo protocolo. Alors, des fois chez certaines polio, en algunos que tengan polio, quand ils ont vraiment un gros pied en creux, en supination, cuando tienen un pie muy cabo en supinación, là, si le pied va pas au sol, il faut que la semelle aille au pied. Si el pie no va al suelo, la plantilla tiene que ir al pie. Donc dans ce cadre-là, du thermoformage est adapté. Entonces, una plantilla de termoformada adaptada funciona muy bien. Et alors, une histoire de chat, est-ce que c'est un cas clinique? Un caso clínico que él presenta. J'ai une patiente qui avait une paralysie ce qu'on appelle sciatico-pité externe, donc, c'est-à-dire ça doit être le nerf fibulaire commun. Tuvo una paciente con una parálisis del nervio fibular común. Suite à une intervention chirurgicale de sciatique. Tras una intervención quirúrgica de la sciática. Elle avait passé pas mal de temps en rééducation, et moi quand je l'ai vue, elle avait des chaussures orthopédiques et une orthèse anti-stépage. Pasó mucho tiempo en rehabilitación y cuando la vio llevaba zapatos ortopédicos con una fibrilación. Donc, j'avais pas plus de. J'y connaissais rien dans le domaine de manière stricte. On a commencé à retirer les chaussures orthopédiques. Lo primero que hizo fue quitar los zapatos ortopédicos. Et puis, on a retiré la telle. Entonces quitó la telle. Oui, la telle anti-stépale. Ah, sí, la diapina. Et elle marchait mieux, sans rien, avec les semelles, mais ça a mis peut-être 2 ans. Le llevó 2 años. Poder caminar mejor, pero le llevó 2 años y pudo quitarse los zapatos. Elle était contente. Y la férula. Elle pouvait marcher, je dis pas qu'elle fasse un trekking dans l'Himalaya, mais elle marchait à peu près normalement, mettait les chaussures qu'elle voulait. A ver, no hacía un trekking por el Himalaya esta mujer, pero podía ponerse los zapatos que quisiera. Porque son super estéticos los zapatos. Era una chica jeune, bueno, se le ordenó un vida normal. Y era una chica bastante, o sea, relativamente joven y poder hacer una vida normal. Mais des fois, c'est un peu perturbant pour nous. Lo que nos perturba a nosotros. C'est qu'en règle générale, sur la douleur, on a des résultats très rapides. Que es que sobre el dolor tenemos resultados bastante rápidos. Donc là, sur les patients neurologiques, c'est beaucoup. Il n'y a pas forcément de douleur et c'est beaucoup plus lent. Entonces, en los pacientes neurológicos, forzosamente no tiene por qué haber dolor y emplea mucho más tiempo. Entonces, eso nos hace que seamos como muy pequeñitos en este campo. De manière générale, sauf en termes de diagnostic différentiel et d'exclusion, de manera general, salvo ante casos de exclusión, ne vous occupez pas de leur pathologie. No os ocupéis de patología. Déjà, il y a une raison évidente, c'est qu'on n'y connaît rien. Una, es que no conocemos. Et puis deux, à quoi ça nous sert au niveau de notre traitement? Y dos, de qué nos sirve ocuparnos de una patología en nuestro tratamiento. Mon traitement, c'est je teste, je stimule, no est-ce que j'ai modifié nada. Nuestro tratamiento es testo y sobre lo que nos sale, actúo. Plus vous faites posturo, plus on va vous amener des, plus il y a des patients bizarres qui vont venir. Cuanta más posturo hagáis, más pacientes raros vais a tener. Ils viennent avec leur pile de scanner pour aller sur le dos. Donc vous les mettez sur le côté. Lo ponéis ahí al ladito. Et moi ce que je dis, ce qui m'intéresse, c'est l'original. Y cuando la persona ponga los ojos así, y está a punto de cubrirte la cara, tú le dices, no, es que a mí me interesa el original. On va examiner le patient. Entonces, vais a examinar al paciente. On lui promet absolument rien. No. On lui promet pas de ser arrivé. No le prometes nada. Et on essaie. Y vamos a probar. Et si on a un peu de chance, ça va mieux. Y si tienes suerte, mucho mejor. Si haces bien las cosas, va a ir mucho mejor. Qu'est-ce que vous allez perdre 10 minutes à essayer de regarder une IRM ou un scanner où vous comprenez rien? ¿Qué os va a reportar mirar una resonancia sobre la que no vais a entender nada? Ah, le radiologue, il est plus compétent que vous. El radiólogo es más competente que vosotros. Et les 10 minutes que vous perdez à jouer au docteur, y los 10 minutos que perdéis jugando a ser doctores, ben vous ne les passez pas à faire l'examen clinique. Vais a perderlos a hacer el examen clínico. Donc que chacun fasse ce en quoi il est compétent, et les vaches seront bien gardées. Tradúcelo tú, Verónica. No te oigo. Las vacas estarán bien guardadas. Ah, que las vacas estarán bien guardadas. En el campo. Para el valgo de rodilla, el niño, un valgo importante, lo trabajas con las piezas de pronación del pie. Si on trouve un enfant avec un problème qui soit important, on les met des éléments de pronation. C'est comme un traitement de pronation ou il y a des éléments incompris? On lui fait un traitement pour la pronation du pied ou bien il y a comme un genre qui soit spécifique pour une pronation des genoux. En règle générale, on va arriver à une bande de 3 Pour règle générale, il y aura une bande de alors, sur les genoux, on a des résultats qui fonctionnent très bien, très rapidement. Sobre la rodilla, tenemos resultados que funcionan muy bien y muy rápido. Par contre, sur la position du pied, là, c'est plus compliqué. Pero, por el contrario, para la posición del pie a veces es más complicado. La posición del pie. Tratar la posición del pie más el valgo de rodilla. Ha dicho que sobre el valgo de rodilla se tienen resultados muy rápidos. Pero para la posición del pie los resultados no son tan rápidos. Entonces el valgo de rodilla lo tratas como el valgo del pie. Mejora antes la posición. Alors, tu veux dire qu'en mettant, par exemple, la bande interne, ça améliore avant les genoux que les pieds? Avant, je ne sais pas, mais c'est plus visuellement, plus évident qu'une modification au niveau du genou que du genou. Es más evidente la modificación a nivel de la rodilla que del pie. Vale. Y pones la banda interna, aunque no sea un valgo orgánico. On met la banda interna, même si il n'est pas, il n'a pas un valgus organique. Est-ce que tu vois beaucoup de patients qui ont un valgus organique du genou et qui n'ont pas de valgus du pied? ¿Ves muchos pacientes con un valgo orgánico de rodilla y no de pie? Veo pacientes con valgo de pie y más y en mayor proporción valgo de rodilla sí que veo bastante. ¿Y niños sobre todo que tienen mucho valgo y los pies lo tienen vago pero no llega a orgánico? prioriza el valor de los días del tendido. Il dit que elle trouve beaucoup de valeurs organiques au niveau de genou et de les pieds, c'est pas trop. Non, c'est pas organique. Avec un enfant, comment définir un genou valeur organique? No, yo no he definido valor orgánico de rodilla, sino yo no he dicho que se orgánico. Yo en español, ¿por qué se orgánico? Sí, bueno, que yo no le he dicho que sea orgánico de rodilla, sino que tiene un valgo de rodilla importante. Él dice que no es un valgo orgánico de genú, sino un valgo importante de genú. Pero si tú ves la persona en monopodal, si tú pones a la persona en monopodal, ¿qué es que se pasa? ¿Qué va a pasar? Pues que mantiene la postura. A ver, de normal entiendo que haría compensaciones. Él dice que me trouve que se va a estar. Se va a estar, pero se corrige la posición. Hay dos criterios. Un, le pied doit se normaliser, y deux, debe avoir une stabilité. Una, que el pie se va a normalizar, dos, que pierde su estabilidad. La stabilité, quand vous regardez la stabilité sur le test monopodal, qu'est-ce que vous regardez? Quand vous mirez la stabilité du pied en le test monopodal, qu'est-ce que vous allez mirer? Les mains et les hombres. Mais il y a des cas où que maintiennent une bonne. Ne tiennent pas à faire ainsi, mais ont bastante valeur de rodilla. Elle dit que ça trouvait des gens qui ne bougent pas, mais sur le valgo des genoux, c'est important. Donc, si le traitement avec le valgo organico, ça vaut pas. On considère-le comme un valgus du pied, tu fais pareil. Hein? Et nous considérons comme le valgo du pied, c'est igual. Okay. Dernière question. Una cosita. ¿A las embarazadas es mejor hacerle el tratamiento o esperar a que tengan niños? A ver, les femmes sortes, on fait le traitement o bien on attend que normalizadas, que es para ti normalizar. No tienes un factor interno que pueda generar cosas raras a la postura. Je lui ai demandé pour elle qu'est-ce que ça veut dire une femme en postpartum normalisé. Non, je lui ai demandé qu'est-ce que pour elle, parce qu'elle dit qu'avec une femme enceinte, on fait des traitements ou bien on attend qu'il soit normalisé. D'accord, mais on sait toujours pas ce que c'est pour nous. Et madame, tu disais si la personne la traite embarazada ou bien t'esperas. Claro. T'esperas à qué? A que haya parido. Claro. Vale, pero ¿por qué haya parido? Pues no sé pues si le afecta en algo. Porque es muy complicado. Me dice que bien en alto y la touché. Es la misma respuesta que para los niños. ¿Por qué dejar a las mujeres embarazadas en el dolor? Si les puedes ayudar. Un pequeño apunte, el posparto dura hasta que la mujer deja de bajar de peso, así que como le dé 3 o 4 años, hasta 3 o 4 años la da. Como si tiene una cuestión corta, ¿por qué la dañera? Si pones una barra en tu pulpar, puede provocar cambios de emocionales. Si on met une barre sous le pulpar, on peut déclencher un émotion. Oui, c'est pas vrai. Sí, la niña, que a raíz de ponerme una pulpa, pues está muy rebelde con los padres y con la mamá. Y sí, que a veces, sí, on l'avait mis une table de verre, y maintenant, c'est la relación dans la maison. Elle est fâchée contre ses parents, elle est. Sí, pueden haber cambios, sí. partes, si me escucháis, aprenderéis al final. On peut trouver un enfant qui il est très agité, et si on met des semelles, on lui calme. Oui, bien sûr, bien sûr. Por supuesto que sí. Il y a des parents qui savent dire quand leur enfant a les semelles. Hay padres que saben decir cuando lleva plantillas o no hay niños. Alors, quand je dis bien sûr, ça veut dire que ça existe, ça veut pas dire que ça fonctionne, je trouve. Cuando dice por supuesto, no quiere decir que existe, que se puede provocar, pero que no se produzca sobre todos los niños. Mais c'était quelque chose à essayer avant de donner des traitements médicamenteux qui sont très durs. Y por supuesto, esto se puede hacer antes de darle cualquier medicamento que sea súper agresivo como los que se dan actualmente a los niños. Un niño tratado con esto de déficit de atención, si tomase medicación, ¿se le podría poner también tantos lugares o se considera como cuando una persona toma antidepresivos? On dit que si on entre dans les troubles d'attention, les hyperactifs, un enfant qui prend des médications avec les semelles, avec la médication, sans la médication, on peut mettre des semelles et des médications. L'idéal ideal sería testar sin medicación. Mais tu ne vas pas suspendre la médication de quelqu'un. Pero tú no puedes decirle a alguien que suspenda la medicación. Tous les médicaments sont susceptibles de modifier la régulation posturale. Porque todos los medicamentos son susceptibles de modificar la regulación. Et quand il y a des études qui sont faites au niveau pharmacovigilance par rapport pour des études avec des médicaments sur plateforme de force. Hay estudios que se han hecho con medicamentos sobre plataforma de fuerza. Il y a beaucoup de médicaments qui perturbent beaucoup plus que l'alcool. Y hay medicamentos que perturban muchísimo más que el alcohol. Vamos a hacer la pausa ahora, ¿vale?